navigue les ondes libres. RQC 95 FM, le seul compromis, la bonne musique. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Salut à tous, c'est le Slasher et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de Touche à tout, la dernière de l'année. Pourquoi ? Car je vous explique chaque fin du mois. La dernière émission du mois, c'est tout simplement la frégate. Et donc voilà, c'est la dernière de l'année. Je vous souhaite d'ailleurs joyeux Noël à l'avance, joyeuse fête à tout le monde. Je vous invite à passer un très très bon moment en famille. Donc là, on va tout de suite commencer avec Alice Merton avec No Roots. Donc voilà, c'était Alice Merton avec No Roots, un titre assez connu justement. Là, on va tout de suite passer à la chronique livre de la semaine. Là, plutôt roman. Donc, c'est un roman de Dan Jolly. Donc, vous devez sûrement, pour les plus attentifs, voir c'est quoi. Parce qu'on vous a déjà parlé du tome 1. C'est tout simplement Les 5 éléments, la ville de l'ombre. Donc, de chez Slalom Édition. Donc, un livre de Dan Jolly. Comme je vous l'ai dit, c'est le tome 2. Donc, 5 éléments, 2 mondes, 4 amis, une ville et une seule chance de la sauver. Au cours des 2 dernières semaines, Gab Conway a combattu contre un dragon à 6 ailes, découvert son lien avec l'élément du feu et a ramené l'un de ses meilleurs amis du monde parallèle et maléfique d'Arcadia. Il doit maintenant accomplir l'impossible, anéantir Arcadia pour de bon avant qu'une terrible secte connue sous le nom de Aurore Éternelle parvienne à faire fusionner Arcadia et le monde réel. Animé par le pouvoir des 5 éléments, Gab et ses amis sont les seuls à pouvoir sauver San Francisco de la destruction. Donc un très très bon livre, franchement rien à dire dessus, un très très bon roman plutôt, qui est au prix de 14,90€ de chez Slalom Édition. Donc ne pensez pas retrouver des illustrations dans celui-ci, car il n'y en a tout simplement pas. C'est un roman vraiment très très bien, vraiment avec des lignes, on se plonge vraiment dedans, on sent de l'empathie pour les personnages. En plus, c'est qu'à la fin, il est marqué « à suivre ». Donc nous allons très bien, on va se demander ce qui va se passer. Donc sûrement, il y aura bientôt un nouveau roman qui va paraître. C'est quand même 350 pages, donc c'est quand même assez conséquent, mais ça se lit vite quand on aime bien. En tout cas, moi, j'étais accroché par ce roman qui était vraiment super bien, de Dan Jolly, Les 5 éléments. Là, nous allons se faire une petite pause musicale avec Burak Kitter, Tuesday, avec Daniel Sandoval. Got the club going high on a Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the cutting shake Tuesday. Club going high. Là, c'était tout simplement Burak qui était avec Tuesday avec Daniel Sandoval. Un très très bon titre. Là, nous allons passer à l'une des chroniques pop de la semaine. Et donc là, je tenais à remercier, merci à toi, mon ami Nicolas de la boutique Pop Moucron qui se trouve à rue de Roubaix, justement à Moucron. Et donc là, on va vous présenter un Tupac. Donc c'est la première fois qu'on va présenter ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc un Tupac, ça se dit, vous savez fatalement ce que c'est, 2, 2 et pack, un pack. Donc c'est deux pop dans une seule boîte, bien sûr qui est plus grande que la normale. Et donc là c'est sur le thème pop games, donc des jeux vidéo, la première fois que je vous présente des pop games. Et donc c'est la société Marvel, donc Marvel, les comics, les films, etc. VS Capcom, les jeux vidéo super connus. Donc là, en l'occurrence, on a eu Black Panther versus Monster Hunter. Donc Black Panther, le fameux héros de chez Marvel, et Monster Hunter, la fameuse chasseuse de dragons. Donc franchement, super beau pop, Black Panther très très bien foutu, rien que dans la couleur mauve est super bien faite. D'ailleurs, petite parenthèse, il y aura le film Black Panther, je crois, en 2018, si je me souviens bien, avec notamment Dana Higuera, si je le dis bien, dans le rôle qui interprète Michonne dans The Walking Dead. Donc une très belle armure avec des dorures dessus, des détails sur les griffes, les yeux, la perle sur le front. La cape qui flotte, vraiment super bien foutu, les griffes acérées de Black Panther, vraiment magnifique. Ensuite on a Monster Hunter, donc c'est le fameux jeu que vous connaissez où il y a des personnes qui tuent des dragons. Donc c'est, bien sûr ces pops sont sur socle, pourquoi ? Car c'est des bobbleheads c'est des pops, vous devez vous rappeler, vous devez sûrement voir ça dans beaucoup de films. Vous savez les routiers qu'ils ont à l'avant de leur voiture, la petite nana avec la tête qui bouge, bah c'est ça le concept. Donc vous avez un ressort qui relie la tête au corps, et donc du coup la tête bouge, c'est plus fragile car c'est un ressort tout simplement. Et donc ils vous mettent ça sur un socle car si la tête elle bouge et qu'elle penche trop, le pop se casse la figure. Donc revenons à Monster Hunter, une très très belle pop, celle-là qui a l'air d'être beaucoup plus lourde, imposante que Black Panther. Pourquoi ? Parce que déjà, elle a un casque de samouraï très très bien fait, avec des écailles rouges et noires, des cornes dessus, on dirait des genres de griffes de dragon, avec ses cheveux qui flottent aussi, donc un très très gros casque. Ensuite, on a son armure très très bien faite aussi, avec des écailles, des chaussures en fer, et aussi son épée avec une dent de dragon, vraiment super bien foutu. Donc c'est Marvel Gamer Reverse, donc un jeu vidéo, c'est un genre de Street Fighter contre des super héros. Donc si je peux vous dire, il y a notamment Rocket Raccoon vs Megaman, Captain Marvel, il y a aussi Ultron vs Chun-Li, ou Captain Marvel vs Chun-Li, donc vraiment des trucs super bien foutus. Donc encore merci à Nicolas de la boutique Pop Moucron, merci à toi. Là on va s'écouter Delici avec Hideaway. I'm Donc là, c'était tout simplement Delicious avec Hideaway. Là, on va vous parler du film de la semaine. Encore merci aux partenaires. Donc c'est Sleepless avec Jamie Foxx notamment. Donc le synopsis, une grosse livraison de cocaïne destinée à la mafia est détournée. Vincent Downs et Shin Tip, deux flics de Las Vegas, sont rapidement suspectés. La police des polices les met sous pression, la mafia aussi. En kidnappant le fils de Downs, la mafia franchit la ligne blanche. Ah bah tiens, coke, cocaïne, ligne blanche, peut-être que tout cela est lié. Blessé et traqué, Downs va devenir un adversaire brutal et impitoyable. Il est prêt à tout pour sauver son fils et il n'a qu'une nuit devant lui. Donc un très très très bon film d'action. Une heure et demie, ça va pour un film d'action. On va pas voir des Fast and Furious de 3 heures ou quoi. Des films d'action quoi. C'est très très bien. Généralement les films d'action c'est un format d'une heure et demie. Et c'est génial, justement c'est bien. Il y a un bon concentré d'action dans une heure et demie. Quoique il y a une histoire, il y a un fil rouge dans ce film. Et qui est vraiment super bien foutu. À la réalisation, il y a Baron Beaudard, une histoire originale de Frédéric Jardin et Nicolas Sada et d'Olivier Douyenne, d'après le film Nuit Blanche de 2011. Un scénario d'Andrea Berloff, une production de Roy Lee et Adam Stone avec Jamie Foxx, Michel Monaghan, Dermot Mulroney et bien d'autres. La musique est de Michel Kam, la photographie de Midai Melmer Jr. Le montage est de Robert Reinsgatch, excusez-moi. Les décors sont de Tim Grimes et les costumes de Catherine George et aussi les effets visuels de Kyle Menzies. Franchement, un film excellent. Rien que le début, ça nous plonge déjà dedans. Dans cette action, au début on voit un braquage, c'est sûrement super bien foutu ce film. Donc encore merci aux partenaires. Et là on va s'écouter tout simplement, encore merci à Sony. Et là on va s'écouter Dan Arrow avec Future Brain. C'était tout simplement Dan Harrow avec Future Brain, un très très bon titre. Là, on va encore faire une chronique de film de chez Sony, encore merci à eux, c'est Spider-Man Homecoming. Donc le nouveau Marvel, le nouveau Spider-Man. Après ses spectaculaires débuts dans Captain America Civil War, un très très bon Marvel que je vous conseille d'ailleurs, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité. Celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile, galvanisé par son expérience avec les Avengers. Peter rentre chez lui auprès de sa tante May. Sous l'œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark, alias Iron Man, il s'efforce de lui reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il n'est plus qu'un sympathique super-héros de quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Un très très bon film de chez Sony, encore merci à Claire pour Sleepless et Spider-Man Homecoming. Donc un film avec une réalisation de John Watts. Si ça vous dit rien, John Watts, c'est le film Clown, justement, qui est sorti il y a quelques temps de cela quand même. C'est l'histoire originale de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, d'après les personnages du comic book créé par Stan Lee et Steve Ditko. Les scénarios sont de Jonathan Goldstein, John Francis Daley, John Watts, Christopher Ford, Chris McKenna, Eric Sommers. Une production de Kevin Feige de Amy Pascal avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. On va plus le présenter celui-là, notre célèbre Tony Stark. Marissa Tomei, John Ferro, Gwyneth Paltrow et bien d'autres. Une musique de Michel Giacchino, une photographie de Salvatore Totino, une très très bonne photographie aussi, un montage de Debbie Berdan et de Dan Lettenbal. Les décors sont de Olivier Schkoll, les costumes sont de Louise Forglet et les effets visuels sont de Lou Pecora. Encore merci à Claire de chez Sony pour ces deux films, donc Spider-Man Homecoming et Sleepless. Là, on va s'écouter Depeche Mode avec Personal Jesus qu'on aura l'occasion de voir au Mind Square 2018. Reach out, touch faith. Retrouve-nous sur Facebook, www.facebook.com/RQC95. C'était, vous écoutez juste à l'instant, Depeche Mode avec Personal Jesus. Là, on va passer au Forever, donc pour ce mercredi 20 décembre. Là, dans les films de la semaine, il y a tout là-haut. Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un rêve. Être le premier, il veut réaliser ce que personne n'a réussi. Aller tout en haut de l'Everest et tenter de descendre la plus pure des pentes. Et la plus rapide et la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, la capitale mondiale de la glisse, son destin va se croiser sur la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien lui aider à construire son rêve et aller jusqu'en haut du sommet. Ensuite, on a un film d'animation de chez Blue Skies, donc par les créateurs de Rio, notamment. C'est Ferdinand. Ferdinand est un taureau au grand cœur, victime de son imposante apparence. Il se trouve malencontreusement capturé et arraché à son village d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l'Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes. Et là, on a une comédie française pour tout le monde. C'est Garde alternée avec Valérie Benoton, Didier Bourdon, donc un ancien des Inconnus, Isabelle Carré. Sandrine, mariée depuis 15 ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a eu une relation extra-conjugale. Passée le choc, elle décide de rencontrer sa rivale. Virginie lui propose un étrange marché, prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. Donc ça a l'air d'être super marrant ce film. Ensuite là il y a une annonce, c'est les 5 jours magiques by Forever. Donc à partir du 26, 27, 28, 29 décembre, 25, 26, 27, 28 et 29 décembre, vous aurez une sélection de 5 films pour enfants ou la famille à partir de 5€ pour les séances de l'après-midi pour tout le monde. Donc je répète, c'est une sélection de 5 films pour les enfants et adultes à partir de 5€ pour tout le monde dès lors des séances de l'après-midi. Donc pour les films familiales et enfants. Pour les cinémas For Ladies, on a le mardi 16 janvier Les Tuches 3. Et aussi tout simplement le jeudi 8 février 50 nuances plus claires, l'ultime chapitre. Ensuite on a en ballet opéra Casse-Noisette le dimanche 24 décembre à partir de 16h30. On a aussi en coup de cœur Victoria et Abdul et Au revoir là-haut. Dans les films de la semaine il y a Tout là-haut, Ferdinand, Garde alternée, Star Wars Les Derniers Jedi, Star 80 La Suite, Le Crime de l'Orient Express, Paddington 2, Santa et compagnie, L'Expérience Interdite, Flatliners, Coco, Épouse-moi mon pote et C'est tout pour moi. Donc encore merci au cinéma Forever pour leur partenariat. Et là on va s'écouter Elton John avec Little Genie. You were always someone's fool. C'était Elton John avec Little Genie. Là, on va voir tout simplement l'astuce technique vidéo, c'est le micro Neewer. Encore merci à toi, Scream, pour ce cadeau de la Saint-Nicolas. Donc, tout simplement, c'est un micro qui comprend... C'est un shotgun micro. Donc, un micro stéréo avec un adaptateur prise jack XLR. Donc, c'est un micro shotgun. Je vous explique, c'est un micro qui capte de loin. Aussi, qui peut vous servir... pour simplement enregistrer des interviews et journal. Donc avec, vous avez fourni une bonnette anti-vent, donc on appelle ça une dead cat ou un chat mort, donc c'est quand vous soufflez, vous n'écouterez pas le bruit du vent. Et vous avez aussi un filtre anti-pop pour éviter de popper. Donc c'est un micro très très bien. Il a sa propre alimentation fantôme, donc vous mettez une pile triple A dedans et ça va tout seul. Vous avez un réglage, tout simplement vous avez un réglage... pour le mode TV, donc le prendre comme les journalistes, et le mode shotgun pour shooter de loin. Un très très bon micro que je vous conseille si vous en avez l'utilité, fatalement. C'est pas un micro champ, c'est plus pour les interviews, le direct, ou aussi pour même enregistrer les groupes, pourquoi pas. Ça peut être très très bien, avoir une très très grande utilité. Avec, vous avez aussi fourni... des adaptateurs pour mettre sur trépied et sur grip flash. Donc tout simplement Neewer, c'est une marque de vidéo qui vous fournit des accessoires vidéo. Il y a plein de choses de chez eux. Il y a des éclairages, des réflecteurs et plein d'autres choses. Donc c'est un micro accès grand public, 20€ quoi comme micro, donc accès grand public. Là, on va s'écouter Kenny Hawkes avec Louis Kelver avec Play the Game. Into a nightclub, I smiled and did my job. You took me serious, handed me a card. I said, boy, I'm not gonna phone you. Never done that thing before. You said, girl, it doesn't matter. I've given you a call, I'll be giving you a call, I'll be. C'était Kenny Hawkes et Louis Carver avec Play the Game. Là, on va passer à la creepypasta du jour. Ouh là là, ça fait peur. Donc, même avant Noël, oui, on a le droit à une petite touche d'horreur. Pourquoi pas? Allez. Donc non, je vous ai pas choisi une sur le thème de Noël. Parce que je trouve que sur le thème de Noël, il n'y en a pas assez, justement. Et je vais essayer d'approfondir les recherches pour en trouver une bonne. Là, c'est tout simplement une qui a fait parler d'elle, notamment à la TV, cette creepypasta. Donc, c'est tout simplement... Un vieillard aveugle avec son chien décide de se coucher. Et il a toujours une habitude, cette personne, c'est qu'il dépasse sa main du lit pour la mettre en dessous et que son chien lèche sa main pour indiquer qu'il est présent. Mais vu que vous savez très bien, les aveugles ont toujours une ouïe très très bien développée. Et donc celui-ci n'arrêtait pas de mal dormir, cette personne aveugle, en entendant... Il se demandait c'était quoi. Donc il va voir si les robinets sont fermés. Il les ferme encore mieux qu'ils étaient fermés, même si cela ne coulait pas. Il se rendort, puis il passe sa main, son chien le lèche. Enfin, il sent son chien le lécher. Puis là, ensuite, quelques heures après, toujours des bruits de gouttes, ça l'agace. Puis le lendemain, il décide d'appeler un plombier. Ce plombier ne constate rien. Et donc le plombier décide de descendre à la cave. Mais quelque chose qu'il a remarqué, c'est que son chien... Alors, préférait plus dormir en dessous du lit. Parfois, il dort très très bien. Ce chien, il fait des grasses mats. Et donc, il décide de descendre avec le plombier, voir l'installation d'eau dans la cave. Il découvre dans le compteur électrique, tout simplement, son chien pendu et dépecé. Et c'était de là où venaient les gouttes de sang se taper contre le sol. Donc, une très très bonne creepypasta qui a fait beaucoup... parler d'elle, une très très bonne creepypasta que je me rappelle, j'avais regardé celle-là en vidéo et ça m'avait fait assez flipper. Là, on va s'écouter Michel Sardou avec les lacs du Connemara. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Marina aussi, l'église en granit de Limerick. Marina dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, On sait tout le prix du silence. Là-bas, au creux des marins, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Tout simplement Michel Sardou avec les lacs du Connemara. Vous pourrez tout retrouver, tout ce qui s'est passé, les unboxings, le micro, etc. Tout sur la chaîne YouTube Touche à tout et sur le site rqc.be et sur la page Facebook Touche à tout du même nom. Là, on va vous parler de la dernière chronique pop avant de clôturer cette émission. C'est tout simplement un pop de film d'horreur, Creepypasta Horror, tiens, tout est lié. Et donc, c'est tout simplement le Gripsou, le clown dansant. Donc Gripsou, ça vous dit peut-être rien, clown ça vous dit encore quelque chose, et dansant, peut-être un détail inutile. Vous allez garder clown et horreur et vous penserez sûrement directement à ça. Là nous allons avoir plutôt l'édition du premier film, du téléfilm, de la mini-série de 1990 et pas le nouveau film de 2017. Donc une très très belle pop, le numéro 55, si je me souviens bien, oui, le numéro 55. Une très très belle, on voit l'affiche du film avec la couleur grise avec It. Donc c'est tout simplement It, ça, le clown. Et donc très très belle pop, très très horrifique, même si c'est une assez vieille pop. On voit tout simplement sa tête avec ses, ses, ses cheveux rouges pendant, qui font d'ailleurs un effet très poupée. C'est comme j'expliquais à Scream, Chucky fait un effet poupée aussi, celle-là aussi, mais Tiffany fait un peu moins un effet poupée, plus un effet pop normal. On a tout simplement son costume de clown dansant, hein, avec les couleurs jaune, verte et rouge. Ses mains crochues, griffues, avec sa bouche ouverte, avec ses dents qui dépassent. Je crois que ça fait référence à la scène de la douche vers le milieu du film. Quand il sort de la douche, avec l'effet patamogli, il commence à se baisser en ouvrant la bouche, qui est une très très belle scène. Notamment, ce film a traumatisé plus d'un enfant des années 90. Donc là, les loulous, on se retrouve pas la semaine prochaine, car c'est tout simplement la frégade. On se retrouve le mois de janvier, et tout simplement, donc l'année prochaine, hein, voilà. Par contre, là, l'horaire va changer, c'est plus de 13h30 à 14h30. Notez bien, les loulous, c'est de 14h à 15h, donc nous allons changer d'horaire, tout simplement. Donc, je souhaite joyeux Noël à tous les auditeurs et auditrices, à toute l'équipe d'RQC, à tous les animateurs et animatrices, à toi, Scream, à la technique, et à tous nos partenaires. Donc là, on va se quitter avec The Forest Ranger, avec Bohemian Rhapsody. Bon, allez, ciao. Caught in a a little silhouette of a man. Thunderbolt lightning, very, very frightening me. I'm just a poor boy, nobody loves me. Entre nous et nos pères,